Les personnalités de divers pays exaltent le général Kim Jong-il. À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le chef du cercle suédois d'études des études, le président de l'association d'amitié Thaïlande-Corée, le président national du Parti pour le progrès et la prospérité du Nigérien, le chef du cercle suisse d'études des études et le président du comité central du Parti des ouvriers et paysans du Népal ont souligné dans leurs messages et lettres de félicitations comme ce qui suit. Le plus grand exploit du camarade Kim Jong-il, c'est d'avoir fait progresser victorieusement la cause socialiste et défendu la paix et la sécurité de la péninsule coréenne, de l'Asie Nord-Est et du reste du monde par la politique de Sun Gun originale. Ces exploits pour la révolution de Sun Gun resteront gravés dans le cœur du peuple coréen et des autres peuples révolutionnaires du monde.